Oui. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Ezali lisusu biso to yaka pona kopesa mwa commentaire moke sur l'actualité de notre pays. Et comme vous le savez, à tout moment, ce qui toyait pour n'accoper sa commentaire Nabiso, ils allaient toujours Basango Yamalamute Yambo Cannabiso, Basango Yamawa Yambo Cannabiso, Basango Yassoni Yambo Cannabiso. Et nous sommes obligés de venir pour toper sa point de vue Nabiso, commentaire Nabiso, bien que toyebi. Le niveau, il y a compréhension politique, il y a Bissot, bah congolais. Mais tout le monde a toujours été pour Nakouya, couper ça, point de vue à Bissot. Donc, malembe, chaque jour, tous allez conscientiser, moto, moko, jusqu'à ce que tu puisses atteindre l'objectif à Bissot. Et bien que il reçoit tant mingi. Alors, dans ma vidéo, allez l'autre, il y a juste pour deux ou trois points. Et que vous avez ce temps, et ces derniers temps, ce que vous allez remarquer, que vous allez que ça la live, vous allez enregistrer, puis poster vidéo, c'est dit na charge tous en angosikoyo. Ils allaient que permettre était qu'aux alanala parce que au moment où ngai nazali libre bande que belé balanda kabiso bazali na Europe bazali na Afrique bazali na Amérique bazali na butu kolala alors ngai nazali na temps ya kosala live et kozala malamu te kosala live peut-être mutu moko alanda biso et bandeko mususu balandaka ba live mingi soki bamoni yango za direct bango pe ba se connecter mbala moko alors il faut pas déranger les gens au bazali ko lala au sala live pour que balanda yo et oyebi bien que bato mingi ba kolanda yo te na moment wana alors nous avons préféré to kati ba live te nous avons préféré to sala to enregistrer et puis to poster yango voilà mes chers amis. Na yena ba point mibale ou misatu lelo. Point liboso ezali une question que je me demande. Qu'est-ce que au juste Félix fime? Félix a fima kanini. Franchement, nazali ko luka moyena yeba. Ezali nini amelaka, nini a fimaka. O etinda ka ye akoma biloba loba et il ne sait même pas Azali Kolobanini, excusez-moi. Ayebite, Azali Kolobanini. Nayebite soyez conscience naye, etindakaye, amekakosa l'introspection de ce qu'il dit. Parce que nga nayebi que moutou nyon so Azali normal, moutou o Azali mayele, moutou o akende na classe, na tango Azali Koloba. Avant, makambo zanango na kati, ya conscience nayo. Oyoli koloba avant ezala verbaliser avant elobama elekaka rapidement na ba tierce na conscience na yo na mémoire na yo connexion na nyoso ekotinda yo loba non ça na koloba te o na koloba et ça passe très rapidement na système na biso bato alors soki omoni mutu azali koloba makambo oye moko azali koyeba te azoloba nini mutu wana azali normal te. Et catégorie à bateau oyo bango to benga kaba mongol ba mongol tango azali koloba contrôle moko ezala kati y a pas un système de contrôle na kati na ye pour ebisa ye ke likambo oyo koloba te likambo oyo loba donc système wana eza déjà foutu banda azala na libumu ya mama mes chers amis wana eza point liboso point mi balé. Ezali Monsieur Fayulu, Tomonie na Monsieur Matata Ponyo. Et pour Amisa tout, Tokosilisa, peut-être na ce qui se passe na Dubaï, na komaki na post nga sur Facebook to kosala ngo live na contacta ki un ami to yebanaki na ye sur na ba rencontre ya Solution Alliances to bane kokutana na ba ministre nyoso oba ba traitaka makambo ba refugie to kutana na ye na Bruxelles to zala isika moko donc un ministre na Dubai kuna tozala na ye sika moko alors mutu moko aya ebisi biso ke ah bokokana la différence est que ye aza mutu mwindu yo za arabe alors a partir wana tozala amitié na Facebook na biso ba photo na ye pe ezali na posta yango je lui ai demandé to ye ba ce qui se passe na Dubai avec Port-à-Poti. Alors, a expliqué ngai makambo ebele, il m'a même envoyé un document, malheureusement, ils allaient na arabe. Je pense que tozo luka moye toye bayango, comme ça, toya kosa ilango live. Voilà, ba point, misatu o tozali kolobela sikoyo avant to kabwana, to oume la mingite. Point liboso. Na rappelaka toujours, mes chers amis. Je suis proud, nanga moko, donc je suis fier de moi-même. Que y a beaucoup de choses où tu allais quoi avertir ba congolais bien que eros allais ko lobango ba congolais bazo comprendre yote mais par la suite bazali ko pesa biso toujours raison par la suite bazali ko pesa biso toujours raison mais boye bi congolais a senga ka pardon te de nature congolais est difficile au monde congolais senga pardon Na loba yango ke jour ali boso video nanga ali boso na sala ya YouTube ma première vidéo. Ezala ki pona ko interpeller Félix, pona ko interpeller ba conseiller ya Félix parce que à ce moment-là, je ne savais pas a outi ko nommer ba conseiller na ye, je pense ça faisait une semaine, je ne savais pas qui était ce conseiller. Alors, j'avais interpellé Félix, ba conseiller na ye, ba enchaîner Félix. Pourquoi? Parce qu'il est parti na libanda ya mboka na biso na Ethiopie, akutanaki na au commissariat pour les réfugiés, asengi na ye, asalisa ye pour que ba réfugiés ya Congo bazonga na Congo. Et moi comme expert na en ce qui concerne ba réfugiés, migration. Na bimaki na vidéo, na bi bazongi saka ba réfugiés bongoti parce que un président de la République, même si on a besoin ya bato On ne peut pas demander officiellement comme ça que le réfugié rentre. Parce que dans ces groupes de réfugiés, toujours réfugiés dans un sens général, mais nakatiwana ba réfugié, ba demandeur d'asile bazali, ba o bazali rejeté bazali, ba o bazali reconnu réfugié conventionnel bazali, ba o bazali ba réfugié sur base ya torture bazali, ba o bazali ba réfugié sur ba apatride bazali, ba o bazali de placer interne bazali donc na groupe wana nyoso to bengaka ba o bazali be experte ba benga ngo ba réfugié sans faire la distinction mais na kati na bango ba distinction ezay ebele je pense que na sina lobela yango alors je suis sorti na vidéo nanga liboso ba congolais ba yeba kingai pour interpeller ba conseiller ya Félix ba enchaîner parce que ce qui abimi libanda azali polo polo il ne sait pas ce qu'il dit Et j'avais souligné, mes chers amis, Batu o bazali ko landanga peut-être pour la première fois lelo. J'étais le premier Congolais. Je dis bien, le premier Congolais na tango ba pesi Félix au pouvoir. J'étais le premier yakoloba que Félix est un idiot. J'étais le premier Congolais yakoloba que Félix azali idiot. Combien m'ont insulté? Combien ba insulta ki ngai? Lelo oyo majorité ba koma ko pesa nga raison ah ozala ki na raison o mona ki musika azali idiot voilà mes chers amis na okene musika te j'avais déjà expliqué ces histoires là Félix Akéyi na Côte d'Ivoire c'est lui qui fait office ya président tokoyi ko boya ngote en ce moment ici président à Congo ezali ye ye mutazali na signature c'est lui qui engage Akéyi na Côte d'Ivoire. Makambo o ezali koleka na mboka na biso. Buzoba ya armée na biso soki ezali ou bien ezali te. Bozoba ya ba ensegna na biso soki ezali ou bien ezali te. Bozoba ya ba policier na biso soki ezali te. Na batwana nyoso na tangi, ba policier, ba militaire, ba enseignant. Chef suprême na bango. C'est Félix. Je dis bien, chef suprême na bango ezali Félix. Soki ma be ezali, moutou akwa assume ba responsabilité wana. C'est le président de la République. Mes chers amis, na wuti kotou na question, boye bisangayi batou ya Félix, Félix a fi makamatiti nini. Bosa lisaye telma ko yiko tika, azali ya kro na matiti wana afimaka, boye bisaye alongo la kabambu manango. Elingi yeti. Pouvez-vous croire dans ce monde, sur cette terre des hommes, un président soi-disant de la République, un chef suprême, akoki kotika makambo nyonso ezoleka na mboka na ye, akei libanda na Côte d'Ivoire, alobi boye, mabe o ezali koleka na est ya mboka na biso. Une partie ba militaire na biso bazali responsable na yango. Batu o bazali kokufa na est mboka na biso. Batu o bazali koviole na est mboka na biso. Bandaku bazali kotumba na est mboka na biso. Ba piyaje ezali koleka na est mboka na biso. Une partie nango, ba militaire na biso batu bazali kosala yango. Mes chers amis, le pro-Félix, le milouvor, s'il vous plaît, ressaisissez-vous un tout petit peu, raisonnez un peu na phrase wana, d'un président de la République, d'un chef suprême de l'armée, qui sort de son pays, akei na mboka mususu ya libanda, il informe batu ya mboka wana libanda que ma BO ezali ko salama na mboka na biso, une partie nango ezali ba militaire na biso. En oubliant que le chef suprême ba militaire oya ezali ko funda libanda. O ezali ko dénigrer libanda. Le chef suprême, c'est lui-même. Bandeko. Moutou akoloba maloba ya boya zali mongol te. Moutou akoloba maloba ya boya zali kizengi te. Moutou akoloba maloba ya boye. Afima kamatiti moko ya mabete. Soki azali mongol te. Soki afima kamatiti ya mabete. Soki azali ki yungu te, ki zengi te. Boye bisangai. Bino batu bovanda kana ye. Azali nani. Asuki e pa ba militaire te. Aye e pa ba policier. Na ba policier na saki moko. Mabe o ezali ko leka na mboka na biso ba policier batu bazali koz nango. Chef suprême ba policier ango nani, ye moko. Bampangia Vincent. Mabe nini to sala. Kabila pinir biso boye. Ma benini ba Kongole ba sala Kabila pinir biso na niveau ya boye. à tout moment ce qui a bimi libanda yambo kanabiso. À chaque fois batandre ye micro libanda yambo kanabiso. Ba bêtise na ba bêtise. Et na Congo, ba officier nyonso militaire, ba yoki, likambo président na bango, chef suprême na bango a lobby. Ba militaire na biso silence radio. Militaire o azali ko sala mabete yo ke ndo kufunda ye libanda o denigre libanda ke ye muta azali ko boma militaire o vandi calme sans réaction non tozala suna ba militaire te tozali na basi balata ka ba jeep baza ba militaire te. Na Congo, toyoka akieba université zali. Moi, tango na zaki na Kinshasa na Congo, je croyais oui, na mboka na biso, ba université zali. Parce que, na yeba kite ce qui se passe, libanda ya mboka na biso. Donc, c'est qu'on me proposait comme université, c'est qu'on me proposait comme enseignement, j'y croyais. Ngai lelo, dirigeant yambo kanabiso, na kozela inanete réforme ya enseignement. Na kozela inanete. Aucun pays dans ce monde peut se développer sans enseignement. Et c'est pas n'importe quel enseignement. Ezali Sony. Mais Sony wana, ça se traite dans la maison. Un président de la République. Na cadre ya ko dénigré ba militaire na ba policier. Il informe à Payanio Sobayaki na Côte d'Ivoire que l'enseignement na mboka na biso ezali fouti. L'enseignant n'a pas de matière. Ça veut dire quoi? Que l'enseignant a matière. Enseignant, prenons dans le cadre de l'université. Parce que je suis enseignant. Enseignant azali kozwa matière oyo akimile pendant deux années na cadre ba étude na ye banda école maternelle na ye ti aye kozwa doctorat na ye ba matière nyoso akimile aye ko bakisa ba recherche na ye. Ba recherche ezala ba catégorie ebele. Ba recherche na ba participation à ba conférence scientifique. Ba recherche na ba lecture na ye. Ba recherche na ba analyse na ye. Ba recherche na expérience professionnelle na ye. Ba accumulation wana nyonso. Un enseignant azali ko transmettre yango. N'abe étudiant. Yangwana matière Félix Alobi, ba enseignant ya Congo bazali na matière te. Or, matière o ezali na mutu ya enseignant, na connaissance ya enseignant, ezali vase moko pleine. Azali ko zwa matière oza nango na kati. Azali ko transmettre yango na ba étudiant o bazali na vase vide. Azali ko formé bango. Mais ce qui est enseignant, azali na matière te. A ko transmettre nini na ba étudiant. Zéro. Or, au niveau du Congo, na mboka na biso, ce n'est pas un problème ya matière ya ba enseignant ke baza na ngote. Le problème na mboka na biso, l'enseignant n'est pas motivé. Enseignant aza na environnement moko ya malamu te, enseignant aza na ba condition moko ya malamu te, pour permettre ye à transmettre o aza nango. Un enseignant, un professeur d'université, ba kimilasyon na nyoso na lobby, nyoso wana formation na ye, nyoso universitaire, banda école maternelle, ti na doctorat. Matière nyoso a une expérience na ye. Ezali na kati ya mutu. Mais un enseignant qui ne mange pas bien. Un enseignant qui ne mange pas bien. Un enseignant au santé na ye ezali malamu te. A causera toujours na perte de mémoire. Or, si un enseignant acquise ce perte de mémoire, na tango azali liboso ya ba na classe ba étudiant, ba matière nyoso o ya zwa, ezali ko bunga. Ako transmettre yango malamu te pa ba étudiant. Alors, qui doit mettre ses enseignants na ba condition ya malamu po bazala na ba perte de mémoire te? Ezali gouvernement, il y a président Félix, entre guillemets. Mais Félix détourne l'argent au Ezali pour na ba enseignant. Mais enseignant, à cause de la matière, à regarder matière, na moutou ndegenin. À l'été, enseignant na tongo, Ezali ko we la bis, ba taxi bis. Cours ezo bandana 8h, l'enseignant arrive à 10h, pour transport Ezala kite. Nanda koukou na enseignant moyez à l'été, banda 2 jours, 3 jours à l'été. Le chef suprême, ou ya na politique ya malamu, ya kotia ba enseignant na ba condition ya malamu. C'est qui? Ce n'est pas Félix? Bamboumani ni azali ko sangisana matiki ni azali ko mela. Et les enseignants, le professeur d'université, bayoki, dénigrement wana, bayoki, insulte, bayoki, insulte wana, insulte wuti, na mutu oyo, il faut aya na politique ya malamu, po bango baza la malamu. Et les enseignants, soi-disant professeurs d'université, silence radio na Congo. Un professeur d'université intimidé par un vaurien, un primérien, silence radio au Congo. Écoutez, moi, ce professeur d'université, professeur d'ordinaire, zéro. Zéro, j'ai dit zéro. Il faut qu'on ait banda boyeba. Comment est-ce qu'on traite un professeur d'université? Ah oui, hein? Ah oui, franchement. Essengo d'être professeur d'université. Na tango zo bima na balabala, na tango zo ke na auditoire, na tango zo tambula. Respect, professeur d'université. Na suka sanza otala boye, respect, ozali ko sepela oui, na sala RRT. Ya ko pona musala oyo. Au Congo, la personne oyo ko yiko tchabino à l'aise. Voilà comment est-ce qu'il vous insulte. bozali ko titila, bozo lenga docteur, professeur d'université, azo lenga, pona droit na ye. Et d'ailleurs, vous verrez ces professeurs d'université, combien de grèves, basalaka. Lelo bake grève, bako benga bango, bako si bango, moi $500, moi $200. Des professeurs d'université qui n'analysent pas, est-ce que accord autre aux alliés qu'au sala, ils allient sustainable, c'est quoi ça? Ils allient durable ou pas? Des professeurs d'université qui ont été formés à se défendre, bango moko, ils se retrouvent, bah, qu'ils ont grève, bah, qu'ils ont bango, bah, yeli bango, moi, ça qui a l'osso, bah, yeli bango poulet, bah, yeli bango $200, $100, bah, annuler grève, bah, zongi na cour, après 2-3 mois, bah, zongi na grève, c'est à répétitif. Et vous vous dites professeur d'université. Il faut avoir honte. Et d'ailleurs, c'est pour cela, na classement ba université ya monde. 5000 universités ya monde, Congo ata moko ezate. Congo ata moko ezate. Mais moi, je ne blâme pas des professeurs d'université. Moi, je blâme la politique où ekoyi kotia ba professeur à l'aise. Et si ces professeurs d'université n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont roulés à tout moment par des incultes, eh bien, il y a des questions. Il y a des questions. Silence radio. Donc, votre président vous dit vous n'avez pas de matière. Boza nangote, namitu nabino zéro. Libungutu le boza nangote. C'est pas moi qui l'ai dit. Votre président. Silence radio. Silence radio, professeur d'université. Pour un abisso à souk à poto que négocie l'ISA. Mes chers amis, mboka oyo, je pense qu'il faut faire la table rase. Il y a ba soi-disant politiciens ya mboka na biso. Les politiciens, c'est bon, politiciens, excusez-moi, mais ezakaka eloko moko, politiciens, c'est la même chose. C'est comme des pasteurs. Quelqu'un qui dort le matin, il se réveille, moi batumi balé ba komi ko landaye, il devient politicien. Awa je m'adresse na batu ya Fayulu. Na moni pe Fayulu wazom amelaka pe matiti moko na zoye ba yangoti. Mes chers amis, Bato yo bazali et pa inabiso, ce qu'on appelle des politiciens. Toyebi bango ba tendance na bango ba famille na bango politique. Toyebi yango. Lelo oyo, nani akoyi kondima ke Félix, excusez-moi, Fayulu, akoyi ko sala bloc. Ce qui bloque patriotique, bazo benga yango, ce qui bloque nini, na matata ponyo. Qui est matata ponyo? Et Fayulu, chaque jour, blâme, bakor, ya Félix na Kabila. Chaque jour qui passe, Fayulu azali ko blâme, Félix pour na bakor, asala na Kabila. Quelle est la différence entre Bakor Félix Asala na Kabila na Bakor Oyo Fayulu alini ko sala na Matata Ponyo? Matata Ponyo c'est Kabila? Matata Ponyo c'est Kabila? Baptême nini politique Matata Ponyo azui premier ministre ya Kabila. Ayibi bukanga lonzo kwa nakambu nyoso boyebi ya regime wana. Mukolonini matata ponyo azui batem. Akomi mosantu. Akomi mutu ya peuple. Fayulu batu oyo bafima kama titi nini. E le pauvre Congolais naïf. le peuple congolais naïf, babi yungu, ba idiot ozali, ils applaudissent. Voilà. Matata Ponyo, Front Patriotique, na Fayulu. Sérieux? Sérieux? Donc, Mboka Nabiso, Lelo, Oye, Oye, et même Félix, aujourd'hui, Félix peut quitter. Après un mois, Congolais, qui ont la Félix, Maboko, Félix, Zonga, Nayo. Un peuple émotionnel. Peuple moko émotionnel. Je pense qu'il faut qu'on zongue la politique, il y a Kala, il y a ba grec, où on interdisait moutou nyo so azali demander à ça la politique. Ti. Politique est la qui n'a battu nango ba initié pour la politique. Ils avaient raison. Lelo Fayulu, Félix Azamabe, Félix Asalabakor na Kabila, Lobby Fayulu nous amène Matata Ponyo, Matata Ponyo Azamoutou Malamu, Lobby Kuna Fayulu a yako memelabiso Kabila, Kabila Azamoutou Malamu, après Fayulu a yako memelabiso Félix, Félix Azamoutou Malamu, et dans tout cela, c'est le peuple qui est mélangé. Azali Koye batte au juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous allez que benga bango ba politicien. Nga lo bango Fayulu aza politicien ti. Fayulu n'est pas politicien. Fayulu s'est retrouvé à un bon endroit au bon moment. Voilà. Ce n'est pas la politique de Fayulu. Oui, Pessi Fayulu et comme si Fayulu, Fayulu. Fayulu a kei ko vanda, a kei ko koutana, a kei ko se retrouve na esika moko, na bon moment. Oyo donc, batuba potani alors abimisi moutou. Ezali stratégie a Fayulu te moutou, mais maye a commande ngwana. Et na lo barango toujours. La popularité de Fayulu, ce n'est pas Fayulu. C'est nous de la diaspora, c'est le peuple congolais. Fayulu a sa stratégie mokoti pour commander Ngazali. Aucune stratégie. Na mon rangote, stratégie mokoti. Fayulu soit commis les jours où yo ba vota ki na Genève. Combien bande koloba mais Ngazali on a même na village na ye. Même dans le village, na ye ba ye biyete. Nous avons dit tokoye, batou bako ye ba ye. Toko sala tou ba ye ba ye. Et voilà denge ba ye biye. Et Fayulu devient orgueillé. Ya popularité à Zanango. Comme si ye moko, mouta sali ba stratégie na ye politique. Pour akoma populaire. Ndengona, le peuple a koyu koye bise loko mokote. O koyu koye bise loko mokote. Il connaît tout. Nyonso wana nana zali ko kosama peuple congolais. Peuple congolais. Mes chers amis, point asuka na kolobela peut-être na kozongela ngona omela mingi te. Ezali cette histoire honteuse ya bande ko na biso ba africaine. Ba Congolais pe na kati, na Dubaï, Porta Poti. Nos chers, o bazali ko kende, ba bengi bango ba influenceuse, na ebite ba influence ka ba nani, ba influence ba famille na bango, ou bien ba influence ka ba nani. Ya de mots bozali ko utilize, na ebite, soki bo ye ba ka, signification ba mo bo utilize. Les influenceuses. Elles influence qui? Ma famille na bango. Cette histoire ici est bandiko tambola, bandiko tambola. On croyait que Zali juste buzz. Et Zali juste une histoire fausse. Mais hélas, c'est une histoire vraie. Alors, ndenge boyebi ke so ilika moko eleki na mboka songolo, mutu no sa lukaka, eske na yeba ina mutu moko na mboka na pona tu na likamwane zali ndenge nini. Na mboka wana, na yeba ni na directeur ya cabinet, ya ministère intérieur na bango. Tokutana dans le cadre na Bruxelles, dans le cadre ya solution, alliance solution, je pense en français c'est ça, Oyo alliance et bandai ko regroupé ba ministre nyonso batala ka makambu ya ba réfugié et to bandai ko kutana deux fois par an. Alors en 2016 na yai ko kutana na oya mboka oyo to vanda ke sikamoko et un ministre je pense je pense que c'était un Canadien. Alobi, ah, mais bino mi balé bo kokani. To lataki pe ba veste presque ndenge mo couleur moko. Différence que ya za arabe, yo za noir. Et tango tozo bima na ba pose amike mike po pose café, tozo tele ma biso mi balé, ba photo ezali na Facebook. Alors, avant aussi lisa, to kangi ba photo de groupe, abenginga na za besoin a photo na yo. To kangi photo a ebisinga en tout cas je t'invite oya na Dubai. Et à tout moment mingi mingi soye nazali ko kende na ngambo ya Amérique na zwaka mingi avion ya Emirates Airways. Donc transit na Dubai. Et soki na kei na kitaka na kekuta na ye soki na zana tante juste texto et un jour na bandai ko kende je pense au New York et na FC non en tout cas na zaliawa mais moyenne bimezate parce que na zaka na une heure ya transit il m'appelle abi non il faut kita na zana besoin na yo na ko sombelo billet mususu po okende lobby. Je suis parti to kutani na atindi bato ba ya kozanga to ke na bureau to sololi makambo sur le réfugié. Et mingi, parce que le HR m'avait demandé na accompagner bango toke na Jordanie. Po na ba réfugié, oyo, bazali na Jordanie, boyebi ke ba réfugié, belé, ba outaka Luban, bamboka na kuna nyonso, mingi bazali na Jordanie. Alors, le HR na Genève, ba ebi singayi, soki moyen zali, toke na Jordanie, na Amman, pour se réfugié, to tambola ki bakan wana nyonso ba réfugié, to koutana ki na bango. Et voilà le ministre oyo abande alingai koyeba ce qui s'est passé na ba discussion na biso wana parce que bango ba finance ka bien que bango ba zwa ba réfugié té mais il finance ba réfugié mingi surtout au bazali na Jordanie. Alors to sololi et relation na biso eza vraiment impact. Alors cette histoire ici ya bande ko na biso bazali ko kende ko lia kaka na Dubaï. Je lui ai écrit, Nabi, mais qu'est-ce qui se passe, Kuna? Ils allaient vrai ou bien? Abi, mais non, ils allaient vrai, toujours rendez-vous par téléphone. Abi, oui, c'est vrai. Cette histoire, Banda, et Badi Lelote, et Banda Kala. Alors, gouvernement na Bango, Erba Yoki Makambouana, Babandi ko traqué. Bandeko na Bango, o basala ba pratique wana. Mais, ils ont remarqué que ba filière est belé ya ba paya soyo ke na Dubai ko mona ke ba paya ba zai belé ba vanda wana bango ba to ba sala ba agence oyo bazali ko kende ko recruter ba jeune fille o bazali ko benga bozali ko benga ba influenceuse ba ke na bango kuna et herba okoma kuna vous savez que mboka wana mbongo ezai belé ba to basa muke mbongo ezai belé. Tango mususu ba ye bakate, asala ni na mbongo, alo yifu kwa sakana. Cet ami me dit ceci, ba peyi e belé, ba peyi e belé, to komela bango. Na tango to zani ko kangabana wana ya basi moko, soki to yebi, ba pratik wana, esika bazo salango, ba preve zali, to keyi to zo kanga moko, to zani ko refule bango, nous avons écrit na ba gouvernement ya bamboke belé votre pays le Congo y compris en 2016 alobi nous avons écrit au Congo en 2016 to répéter les sous parce que suite à la quitter na 2017 to y ko reprendre les sous processus wana na 2020 2021 et voir même ba représentation diplomatique ya bamboke belé to yamba bango ko yebisa bango de faire attention ko surveiller bana na bino o bazali ko ya awa. Vous savez que na mboka ya ba mboka wana ba droit lokola droit de l'homme exacte ba signa ba convention mokote bazali ko sala tout na mesure du possible pour que ba stopper yango mais ba filière ya libanda ezali ebelé. Et batona bazoya na visa na ye non na kesa na kesomba biloko commerce na sala commerce tango kokota c'est difficile que balanda moko moko na chambre hotel avani ko vanda azali ko vanda ou bien na ba chambre bandako o bazali ko tia bango. Alors gouvernement na ba monaye que non to s'attaquer d'abord na ba pays na bango to informer ba pays na bango ba meka ko surveiller bana na bango o bazali ko ya na tango bazali ko ya mbongo ezate tango bazo zonga mbongo ezali ba surveiller ensemble parce que ba lettre oyo ba gouvernement na bango ba ko ba gouvernement mususu c'est de demander à ces gouvernements ensemble to lutter contre fléau oyo na Congo na biso j'ai un document ezan arabe ezan na mesakuna l'ami me dit na Congo batu baza ebele o ba rekritaka bana basi wana ba rekritaka na Congo ti ba rekritaka libanda ya Congo na Afrique ba musicien bazali je ne dis pas que ba musicien ba ya ba kena kolia kaka na Dubai ba musicien bazo rekrite ba influencers wana bazo rekrite na monde ya théâtre bazali ko rekrite ba belle fille bazo tinda bango na ba agence o ezali na Dubai, ba agence msu ezali na Amman, ba agence msu ezali na Qatar. Soki ba terir kuna ba ke na Dubai. Mais le problème est que po na ba congolaise ba yebi langue te baza lokola bon, ce sont des gens qui viennent na ba situation moko pauvre. Soki ba balancer ye $5,000 ale kaka, ça va. Soki ba balancer $10,000 ale kaka ça va mais ba o bazali na monde veillé lokola ba ivoirien wana ya de ceux qui parlent bien anglais et bazali ko discuter koutou les montants ya ko pesa bango avant ali ya kaka mais ba congolais o vandi kuno zoli ya matembele mutu ya théâtre oké na Dubai ba balancer au $5,000, $10,000. O lengi ozui o le kaka ozongi na Congo. La patrona. La patrona. Mais est-ce que nous avons un gouvernement responsable pour stopper ça? On n'a pas de gouvernement na mboka na biso. Gouvernement izati. Donc toko zonga na pesi camarade moko mutu ya ba côté kuna. A mec un peu qu'on changer na anglais total ba document o ndenge ezali et par la suite to zonga to sa la vidéo nango moi ce qui m'intéresse c'est la partie congolaise to zonga to sa la live et on va dénoncer les noms mais na kati kuna boye ba ke ba musicien o ba yebani bazali ba toi théâtre bazali ba business ba toi business bazali. Voilà donc, dans le bac de Oumelate, mais 40 minutes déjà passées. Voilà ce que Tolinga qui coloba pour Nalelo. Vraiment, vous voyez, parce que mon cannabis, Tozali na ba dirigeante, Tozali na présidente, ce qui a bimé les bandes à ba bêtise, à qui a dénigré, qui a fingé ba militaire, à qui a fingé ba policier, à qui a fingé ba professeur, à Longawana, à qui na Sud Soudan, à l'obé dirigeant Liboso. Banda Sud Soudan ils ont indépendance à aucun des connes alliés dirigeant Liboso parce que qui est dirigeant bah dirigeant Bazaye Bélé bah toi Félix Boye Bisaye matiti oyoboso pesa ya fimé allons la ba graine nango bolongo la ba graine nango vraiment un idiot. Franchement, un idiot. Voilà, mes chers amis. Ezalaki Yabino, Mwana Meni Kongo, Ngudia Kamaki Yanjikola. Les dragons rouges. Bye bye.